Alors, nous recommençons la deuxième partie. Daniel, la souffrance est-elle la confrontation entre nos désirs et l'énergie intelligente? Si la souffrance est une confrontation entre nos désirs et l'énergie intelligente. Alors, c'est une bonne question. Oui et puis non. Hein, ça répond, hein? Bien, ça te protège, en tout cas. Ah, ben oui. Ben, la souffrance, c'est une confrontation entre nos désirs et nos désirs, premièrement. C'est une confrontation entre nos désirs et notre mental, notre intellect. Nos désirs, ça, c'est inhérent à l'astral. Et puis, en fin de compte, c'est une confrontation entre nos désirs et l'énergie intelligente. Ne demandez-vous pas pourquoi on se trouve tant sur la Terre. Alors, ce qui fait que oui et non. Maintenant, on va vous expliquer un peu pourquoi c'est une confrontation entre nos désirs et nos désirs. La souffrance, premièrement, quand on désire quelque chose, c'est parce qu'on ne l'a pas. Ou parce qu'on a peur. Mais quand on a peur, c'est parce qu'il y a eu des désirs avant. Alors, si moi, je désire avoir du bonheur, c'est que j'en ai pas. Et puis, si je désire avoir du bonheur, c'est que je désire ne plus rester dans l'état où j'ai pas de bonheur. Alors, ce qui fait que si je désire avoir ça, je désire ne pas avoir l'inverse. Si je désire avoir de la nourriture, je désire donc ne pas jeûner. Alors, la friction entre ces deux désirs-là qui sont antagonistes, ça suscite la peur. Et puis, cette peur-là est souffrance. Automatiquement, la souffrance, ben, c'est une confrontation entre nos désirs, puis le fait de désirer ne peut pas faire autrement que nous amener à souffrir. Mais l'homme ne peut pas faire autrement que désirer. Alors, l'homme désire ne pas souffrir, donc l'homme désire être bien. Puis entre le désir d'être bien et le désir de ne pas souffrir, ben, il y a ce qu'on appelle la peur, qui est la friction entre ces deux désirs-là, qui sont antagonistes. Et puis la peur, ben, ça ne peut pas nous amener à autre chose qu'à la souffrance. Alors, ce qui fait que de désirer, ça ne peut pas nous amener ailleurs qu'à souffrir. Ça, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, même si on désire ne pas souffrir, ben, automatiquement, on va avoir peur de souffrir. Hein? Alors, ce qui fait qu'en partant, la première confrontation qui va être souffrance, ça va être celle inhérente à l'intérieur même de notre astral, de notre psychologie. Entre notre astral et notre mental, ben, c'est simple. C'est que si notre astral veut quelque chose ou si notre astral perçoit quelque chose, puis le mental, ben, lui, il dit non, c'est pas correct, non, c'est pas ça ou non, t'auras pas ça. Dans le sens, comme j'explique souvent, tu veux t'acheter une belle auto parce qu'elle est super belle, mais si mentalement, tu dis, ben, oui, t'as pas l'argent pour l'acheter puis tu peux pas l'acheter, puis toi, tu dis, ben oui, mais je la veux, puis à un moment donné, si le mental prend le dessus, ben, il y a eu une confrontation entre le mental et l'astral. Et puis ça, ça crée une certaine souffrance dépendant de quelle personnalité astrale, quelle est la densité de l'astral qui veut avoir raison, qui se lutte contre quel genre de densité mentale qui veut avoir raison. Alors, plus tu es mental et astral en même temps, bien, plus tu risques d'avoir de souffrance intero, astrale et mentale. Et puis, la dernière souffrance, bien, la plus souffrante, c'est quand il y a une lutte entre Dieu et l'homme. C'est souffrant des deux côtés. Parce que le problème de Dieu, c'est un problème humain. C'est pour ça que l'énergie, tout ça, a besoin d'être l'homme à un moment donné. Donc, Dieu a besoin de l'homme pour être parfait dans sa perfection. Parce que tant que l'homme est imparfait, il y a quelque part dans Dieu une imperfection qui s'appelle être humain pour l'instant. Bon. Alors, automatiquement, ben, la guerre qu'il y a entre les deux, puis c'est d'autant plus souffrant que l'homme veut devenir Dieu, mais l'homme ne veut pas devenir Dieu. C'est souffrant. Parce que l'homme veut devenir Dieu et l'homme veut rester lui-même en étant Dieu. Alors, par cette incompréhension-là de recherche divine, automatiquement, l'être divin, donc mon Père ultime, veut rentrer dans l'homme. Puis l'homme, ben, il veut que ça rentre dans lui. Mais en même temps, ben, l'homme, il y a de quoi en lui, qui est sa psychologie, qui est son astral, qui veut rester lui-même, qui a peur de disparaître. Il appelle ça une mort, lui, mais c'est pas une mort, mais il a peur de disparaître. Puis même si, en même temps que je veux traverser la porte, j'ai peur de traverser la porte. Alors ça, c'est une souffrance qui est terrible parce que l'homme arrive à vouloir émettre la paix. Puis il dit ça comme ça. Aime, je t'aime, Carlis! Tu sais, puis là, ben, ben ouais, mais c'est pas ça qu'il voulait faire, c'est pas ça qu'il voulait dire, mais c'est ça qu'il a dit. T'sais? Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que tu as une lutte entre je veux être bien que tout le monde. Je veux tout ça, je veux exprimer Dieu. Mais tant que tu veux ça, c'est que tu veux, c'est pas toi, c'est pas Dieu qui le veut. Parce que Dieu veut pas aimer tout le monde. Dieu les aime toutes. Dieu y est tout le monde. Mais tant que tu veux le faire, ben, l'ego, la personnalité, l'être en entier, là, qu'on appelle l'homme, veut exprimer l'énergie active, l'énergie de mon Père ultime. Il veut l'exprimer, mais il peut pas. Il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il veut. Puis quand il veut pas, il veut d'autres choses, fait qu'il peut pas plus, même s'il veut pas, tu sais, parce qu'il veut tout le temps. Le vouloir, il faudrait qu'il laisse. Mais qu'il l'exprime. Mais pas « je veux ». Mais tu veux quoi? Tu veux être heureux? Mais sois donc heureux. Arrête de vouloir être heureux, puis sois heureux. Bon, mais arrête de vouloir être quoi que ce soit, puis deviens-le. Automatiquement, il n'y a plus de démarche vers ce que tu veux avoir, et puis il y a simplement un état d'être, qui est l'état d'être divin. Qui est l'état d'être? Ben, c'est même pas d'être divin, c'est l'état d'être. C'est bien mieux que d'être divin. Alors ça, c'est une souffrance qui est terrible, parce que entre l'homme, entre l'astral qui est agonisant vers la fin ultime de l'évolution de la psychologie de l'homme, on approche de ça, il y a certains individus qui le vivent. Mais cet astral-là, il sait qu'il doit mourir parce qu'il va être mieux, mais il veut pas mourir. C'est comme un fruit après un arbre. Le fruit, il est là, il y a des graines, il y a une matière qui est nourrissante, puis lui, il est là pour engendrer un autre arbre. Mais le fruit n'est pas un arbre. Oh, c'est un arbre en potentiel, oui, mais c'est aussi de la pourriture en potentiel, puis c'est n'importe quoi. Comme l'homme, on est des dieux en potentiel, mais on a aussi des démons en potentiel, puis on a aussi n'importe quoi en potentiel. Le fruit, il est là, il vient presque à être mûr. Mais si le fruit sait qu'il doit devenir un arbre, puis il veut devenir un arbre, mais le fruit, il a peur de mourir, fait qu'il s'accroche après son arbre, puis il refuse de tomber. Mais le fruit, en s'accrochant après l'arbre, il pense qu'il est l'arbre. Mais il n'est pas l'arbre, le fruit, il est juste un fruit suspendu après une branche qui se prend pour un arbre. Il n'est pas un dieu en potentiel, il n'est pas un arbre en potentiel. Il est un fruit qui refuse de mourir parce qu'il pense qu'en tombant, ben il va être fait de la mort totale. Le fruit refuse de tomber parce qu'il voit là une mort. Puis en tombant à terre, le fruit, il va pourrir, les graines vont rentrer dans le sol, le fruit va servir les graines, puis là, il y a un arbre qui va pousser, qui va devenir un arbre. Il y a eu une transmutation, mais le fruit qui se tient après sa branche, comme l'homme le fait continuellement, c'est un fruit qui devrait normalement tomber, qui devrait donner l'impression de mourir. Mais l'arbre, il est prêt à le laisser tomber, mais si le fruit s'accroche là, il va sécher là, puis il va rien faire. Tant qu'il sera pas rendu dans le sol, tant qu'il aura pas eu l'impression de mourir, le fruit pourra pas devenir un arbre. Mais l'homme, c'est la même chose. Mais l'homme le sait. Le fruit, il sait qu'il devrait tomber, il voit la terre à terre, là, puis il dit, bon, mais si je suis dans la terre, on va pouvoir faire un arbre. Mais tout d'un coup, puis en plus, il veut pas perdre son identité, il veut rester lui-même. Fait que le fruit s'attache après la branche, puis il s'imagine que la terre va venir le chercher à un moment donné. Ça va arriver, mais avant qu'il y ait assez de feuilles qui tombent pour que ça aille chercher le fruit dans les airs, ben des choses peuvent se passer. Mais l'homme, il est pareil. L'homme, il veut s'en aller vers Dieu, mais en même temps, l'homme veut pas perdre son identité qu'il a de lui-même. Alors, ça fait une souffrance qui est quand même assez terrible, ça. Ça, c'est la dernière souffrance. Mais celle-là, faut la prendre bien paisiblement, en se disant justement qu'à un moment donné, on va y arriver. Puis ce qu'on comprend pas, on va le comprendre, comme je disais tout à l'heure. C'est très important. La souffrance, c'est ça. Toi qui as atteint ce point, Daniel, est-ce que ça s'est fait instantanément, traverser la porte, ou bien si ça a été une période qui était longue? Ah, ça a été pas long, mais ça a été difficile. Mais j'ai passé par les mêmes portes que tout le monde, par les mêmes chemins que tout le monde. J'ai souffert énormément. J'ai ri de ma souffrance, comme certains vont rire de la leur prochainement. Et puis, à un moment donné, ben je souffre plus. Je ris à la place. Parce que toutes les fois que je vois comment je pourrais souffrir, je vois tout le mécanisme, puis c'est niaiseux. Tu sais, ça ne peut pas autrement rire. Mais on braille quand on le voit pas, puis ça, c'est normal. Je suis passé par là aussi. Pis c'est comme ça. C'est pour ça que je peux comprendre quelqu'un qui souffre. C'est correct, j'ai passé par là. Puis le gars qui souffre, il est pas tarlant. Il est un homme comme j'en suis un. Puis il souffre, c'est normal qu'il souffre parce qu'il y a des choses qu'il comprend pas. Fait qu'il fait qu'à un moment donné, il va les comprendre. Mais il faut juste qu'il prenne patience. Il va les comprendre, puis cet homme-là, à un moment donné, il va comprendre sa souffrance, puis il va rire lui aussi, puis il va cheminer vers mon père ultime, qui va être le sien à un moment donné. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on souffre de cette énergie qui veut pénétrer, est-ce que il est préférable d'en parler à d'autres ou de le garder à l'intérieur et essayer de trouver son chemin par soi-même? Bon, c'est préférable de parler tout le temps. Parce que, premièrement, même si tu parles à un miroir, parles à un arbre, en parlant, on met en matière, en vibration, notre pensée. Et puis en parlant, on met de l'ordre dans notre pensée. Il y en a qui vont écrire, mais écrire, c'est parler, c'est de mettre dans la matière ta pensée. Puis en écrivant, d'un coup, là, ils se comprennent. En parlant, tu mets aussi de l'ordre, c'est pour ça que c'est bon de parler. Mais il ne faut pas que tu parles de ça à quelqu'un qui n'est pas prêt à t'entendre parler de ça. Tu sais, t'as un gros problème, t'es en train de fusionner, là, puis tu shakes, puis tu trembles, ben, tu vas pas voir quelqu'un qui peut pas, va dire, non. Parce que là, tu vas shaker encore plus quand il va te mettre à la porte. Tu sais? Alors, ce qui fait que, faut que t'en parles, mais on en parle entre nous autres. On en parle, on est ici parce qu'on est sur des, mais oui, il faut en parler. C'est important d'en parler. Mais pas n'importe qui, parce qu'autant de tort tu peux faire à celui à qui tu vas en parler, autant tu peux t'en faire pour toi-même. Le mieux qui peut t'arriver, c'est qu'il te prenne pour un fou. Quelqu'un qui est en train de fusionner n'a pas besoin d'aller voir d'autres personnes pour expliquer. Non, mais il y a certaines personnes qui ont déjà voulu me voir parce qu'ils... Hein? Passons à une autre question. Oui, c'est ça. C'était j'ai besoin de beaucoup de contrôle, pas trop rire. Mais ce qui arrive, en tout cas, pour les souffrances, c'est ça. C'est souffrant de souffrir. Fait que pour arrêter de souffrir, ben faut pas souffrir. Comment arriver à ce que le corps astral ne dérange pas le corps éthérique? Bon, premièrement, il n'y a pas de corps éthérique. Là, je dis pas ça pour dire à la personne qu'elle sait pas, là. C'est-à-dire, le corps éthérique, c'est un terme, mais j'aimerais qu'on emploie un terme plus adéquat que corps. Mais donne-nous donc la définition de l'éthérique. C'est ça qu'on va faire. C'est pas péjoratif que je dis qu'on n'a pas de corps éthérique, là. Je veux dire, on peut prendre ce terme-là, c'est bon. Mais ça peut sous-tendre des problèmes. On a un corps physique parce qu'on a décidé qu'on appelait cette forme-là un corps, au niveau de l'étymologie. On a une forme similaire qui est vitale. On peut donc dire un corps vital parce qu'il y a une forme et il y a une certaine densité. L'astral, ben là, on commence à... Le corps astral, en tout cas, si on en a un, il ne ressemble pas. C'est notre psychologie, c'est une forme de vibration. L'éthérique, parce que le corps... Bon, l'éthérique lui-même, il n'est jamais dérangé par l'astral. L'éthérique, il s'en fout de l'astral. Devenir éthérique, ben c'est ça, on n'a plus de problème, on souffre plus, on fait plus rien. Parce que le corps qui souffre, c'est toujours l'astral. Le corps astral est appelé par les Rosicruciens le corps des désirs. Mais justement, le désir peut pas faire autrement que t'amener à la souffrance. Parce que tu désires de quoi? Donc, tu vois que tu ne l'as pas, puis tu as peur de pas l'avoir, puis un paquet de schémas qui fait que tu souffres en désirant. Bon, faut désirer et ne plus désirer, ben là non plus c'est une aberration parce que t'as peur de désirer, c'est qu'en partant tu souffres encore, tu vois. Alors faut ne plus désirer, faut pas désirer, ne plus désirer, faut pas vouloir s'en sortir parce qu'on désire, t'sais, c'est tellement subtil le phénomène astral qui fait que le monde ils ont plus de jeu. Puis en ayant plus de jeu, ben ils paniquent, mais là c'est encore un jeu ça. Mais quand ils ont réellement plus de jeu, ben là c'est l'énergie divine qui va passer. L'énergie éthérique peut être ce qu'on pourrait appeler encore, ce que moi j'appelle de temps en temps mon père ultime. L'énergie éthérique n'est pas dérangée par l'astral. C'est l'astral qui est dérangé parce qu'il se dérange lui-même, puis en se dérangeant lui-même, il laisse pas l'énergie éthérique s'exprimer. Mais l'énergie éthérique, il est là pareil. Même si tu refuses de respirer, là, tu te bouches les poumons, ben l'air est là pareil, parce que ça en balance bien que tu respires ou non. Mais là pareil, qui va souffrir? Toi! Mais l'énergie éthérique, c'est la même affaire. L'énergie éthérique, il est là. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, il est là. Mais toi, tu devrais l'exprimer parce que toi, tu vas parfaire ton astral. Tu vas parfaire ton vital, ton physique, ton mental, etc. Alors, en réussissant à parfaire ça, ben tu deviens lentement cette énergie éthérique-là, qui, elle, ne souffre pas de pas être en toi, mais qui, par une loi typique de l'éthérique, que là, on n'expliquera pas parce que présentement, on est dans un domaine matériel, on n'aura pas commencé à expliquer les lois qui régissent Dieu. Mais il y a une loi qui fait que cette chose-là devrait, à un moment donné, finir par s'exprimer par toi. Et puis, en s'exprimant par toi, elle va finir par s'assujettir à toi, puis vous allez former une seule chose. Tu vas avoir ton père ultime, tu vas devenir ce père-là, puis on appelle ça une fusion. C'est-à-dire que c'est la désagrégation de tous les corps pour former une seule chose. Une seule chose qui est plus toi, mais qui se trouve à être mon père ultime. En étant ça... Qui est l'univers. Mais qui est l'univers... Ouais, disons pour l'instant qu'il est l'univers. Qui est Dieu. Mais pas le Dieu dans le ciel, j'en reviens souvent, c'est Dieu dans les cieux, puis à un moment donné, on va en parler de ces choses-là. Le Dieu éthérique. Ouais. Alors, l'éthérique lui-même n'est pas dérangé par l'astralité de l'homme. Il y a juste l'astral qui est dérangé par l'astral, parce que dans l'astral, t'as un désir, puis t'as la peur de l'autre, puis t'as tout un cheminement que j'ai expliqué tout à l'heure, puis que j'ai expliqué dans d'autres conférences, qui fait que l'astral lui-même veut ne plus souffrir. Parce qu'il souffre. Puis en voulant ne plus souffrir, ben, il peut pas faire autrement que souffrir. Parce que s'il veut ne plus souffrir, il va avoir peur de souffrir. Puis en ayant la peur, ben, il recrée le cycle qui pensait s'être débarrassé. Hein? Alors, ce qui fait que tu peux pas, avec l'astral, arriver à d'autres choses que de la destruction de l'astral. Puis quand on parle de destruction de l'astral, faut bien comprendre par là la purification, de la purification de l'astral. Parce que l'astral, tu en as besoin. L'astral, c'est pas l'ennemi. Le diable, c'est pas l'ennemi. Il est ennemi tant qu'il n'est pas ton esclave. Mais l'esclave de qui? Pas de toi, pas de ton astral. L'astral, il est l'ennemi de l'astral tant qu'il n'est pas l'esclave de l'astral, tu sais. Moi, je vais soumettre mes viles passions au contrôle. Ouais, c'est qui soumet quoi? C'est l'astral spirituel qui soumet l'astral matériel. Mais c'est un phénomène astral, tu sais. Il va toujours avoir des guerres là-dedans. Il y a rien d'intelligent là-dedans. Mais il vient un temps où c'est que ce que tu appelles tes viles passions ou n'importe quoi va lentement vibrer de mieux en mieux puis ça disparaît tout seul. Tout d'un coup, tu vas faire une recherche en toi puis tu trouves pas. Tu trouves pas ce que, normalement, il s'est passé de quoi, tu aurais dû réagir de même. Hein? Tu viens de perdre quelqu'un de ta famille, tu viens de perdre un œil, tu viens de perdre quelque chose, puis tu cherches, puis tu cherches, puis non, puis tu pleures pas. Puis t'as beau chercher, puis y a rien. Puis tu vois la même chose que tout le monde, tu vois le même handicap ou le même phénomène, le même événement, puis non, tu souffres pas cet événement-là. Puis tu cherches. Ben là, arrête de chercher, là, parce que là, tu commences à te casser la tête, c'est beau, parce que c'est parfait, tu viens, tes vibrations qui normalement te perturbaient, qui t'amenaient à vivre des souffrances dans certains événements, sont plus là. Bon, là, tu te rapproches lentement de mon père ultime parce que c'est correct. Tu cherches à l'intérieur de toi, puis c'est pas là. Hein? Le monde, ils vont être brimés par le fait que toi, tu vis pas ce que tu devrais vivre. Crime, niaiseux, ta maison vient de passer au feu, puis t'es sur le trottoir, puis tu ris. Tu vois-tu ce qui se passe? Ben, tu le vois, ce qui se passe. T'as beau chercher dedans de toi, t'es pas capable de broyer. Il y a rien qui fait que tu paniques. Parce que t'es proche du père ultime. Puis le monde, ils vont essayer de te convaincre que tu devrais broyer pour être normal. Parce que là, eux autres, tu perturbes, là, ils se comprennent plus, eux autres. Là, si tu te mets à pleurer, ben, tu vas paniquer, puis tout. Ben, eux, tu retombes dans le cheminement. Mais, tu sais, alors, ce qui fait que ça, c'est l'astral. Puis l'astral lui-même va arriver à se perfectionner de par les événements, là, la vie, là, pour ça. Mais l'homme n'a pas besoin de souffrir pour arriver à Dieu. Mais l'homme souffre pour y arriver parce que dans son cheminement psychologique, c'est inhérent à lui la souffrance, mais l'homme n'a pas besoin de souffrir. Ce que tu dis, Daniel, c'est théorique, mais c'est jamais pratique. Mais non, c'est très pratique pour celui qui le vit. Qui n'a pas souffert pour atteindre ça? Mais qui souffre présentement pour atteindre ce que moi j'atteins? Puis que moi, j'ai pas souffert pour atteindre les mots du paquet. Moi, j'ai souffert à un moment donné pour arriver à plus souffrir. Mais il y a du monde qui arrive au même point que moi, puis qui souffre. Puis il y a du monde qui me dépasse présentement, puis qui souffre. Parce que l'évolution, là, c'est pas à cause que tu montes une marche que toutes les parties de ton corps ont monté la marche. Hein? Tu arrives à comprendre des choses, puis t'as l'air d'un dieu, mais il y a d'autres choses que tu comprends pas pantoute. Qu'un autre comprend bien, puis que lui comprend pas ce que toi, tu comprends. Là, il est temps qu'on se rencontre puis qu'on jase, toi et deux, par exemple. T'sais? Mais c'est pas parce que tu comprends quelque chose que sur toutes les plans, tu as tout équilibré tes vibrations. Mais moi, présentement, je souffre pas, puis je comprends les choses, puis j'avance. Il y a d'autres personnes qui sont même en avance sur moi, puis qui sont pas capables de l'exprimer parce qu'ils souffrent encore, parce que sur d'autres plans, ils sont en retard. Mais l'homme n'a pas besoin de souffrir, même si l'homme a continuellement souffert. C'est évident que dans l'incompréhension d'une chose, il peut pas y avoir autre chose que l'enfer, donc la souffrance, le malheur et tout le patatras. Mais quand l'homme commence à comprendre, puis l'homme est de plus en plus apte à comprendre, il y a des enfants qui comprennent, des personnes âgées qui comprennent, tout le monde comprend de plus en plus, puis de mieux en mieux. Alors, la souffrance va diminuer. Mais ça arrive de plus en plus. C'était rare avant qu'une personne viennent pour faire une réaction émotive normale à un événement, puis je parle de quelque chose qui, normalement, serait négatif pour lui. Je parle, mettons, viens pour pleurer, et puis à se rendre compte qu'il n'y a rien. Tu viens de perdre ton père, puis tu l'aimais autant que tout le monde, mais tu pleures pas. Puis t'as beau chercher, lui, puis t'es pas bloqué, tu sais. Un psychologue, il dirait, viens me voir, on m'a débloqué, tu as broyé. Mais non, il y a rien en toi qui fait que t'es clair, t'es pur, t'es purifié. L'événement vient pas laisser de traces, il vient pas te marquer à l'intérieur de toi. Ben, venant pas te marquer à l'intérieur de toi, ben, tu l'aimais autant. Il y a les mêmes vibrations, tu l'aimais bien plus que les autres. Parce que ça te dérange pas qu'il soit mort. Tu peux l'aimer sans paniquer, même s'il est mort. Ben, si tu l'aimes en paniquant, c'est parce que c'était pour toi, c'était pas, tu sais, c'est ça. Tu l'aimes bien plus que les autres parce que ça te dérange pas qu'il soit mort. Aimer quelqu'un pour lui, ça veut dire que tu lui permets de faire n'importe quoi. Puis mon père ultime, il aime les hommes. Comme pour l'homme. C'est pour ça que l'homme peut faire n'importe quelle connerie puis il va pas s'en mêler. Quand tu dis à ton enfant, fais pas ça là, à cause qu'il gagne, ben lui, il faut qu'il fasse l'expérience. Hein? Il t'aime pas si tu lui interdis tout. Bon, ben, il fait ses expériences. Puis toi, ben, tu fais juste checker pour pas qu'il se blesse quand il fait ses expériences. Si t'es un parent intelligent comme il faut, tu vas le laisser faire ses expériences. Il faut qu'il apprenne. Mais tu fais attention. Ben, Dieu fait la même affaire. Il est pas là pour dire à l'homme, fais ci, fais ça. Ben, regarde-toi comment on aurait l'air fin. Là, on serait manipulé bien plus que par l'astral, puis bien pire. Parce que, crime, on comprendrait rien, ben, on aurait même pas le droit de comprendre. L'astral te permet de comprendre, sauf qu'il te donne l'impression que t'arriveras pas à comprendre. Mais tu as tous les mécanismes pour apprendre, parce que l'astral a besoin d'apprendre pour se sécuriser. Puis en ayant le besoin d'apprendre, ben il permet la vibration de l'apprentissage. Puis toi, ben tu es dans l'astral, donc tu apprends toi aussi. Puis en apprenant, tu peux pas faire autrement à un moment donné que avoir l'astral. Puis le soumettre, c'est-à-dire le rendre esclave. Alors automatiquement, il est parfait. Puis quand l'astral est esclave, ben là, il y a une porte qui s'ouvre. Là, il y a une vibration qu'on appelle l'éthérique, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle n'importe quoi, qui descend puis qui vient s'exprimer. Et puis là, on est clair. Mais l'astral n'arrive pas à perturber le corps éthérique. Il peut pas le perturber parce que l'éthérique, c'est pas du domaine de l'astral. Manquerait bien que ça. Que vient faire le double dans tout ça? Et qu'arrive-t-il lorsque le double devient lumineux? Bon, ben ça, c'est quelque chose qui est mal compris parce qu'il a été mal expliqué. Explique-nous-le comme il faut. Ouais, c'est ça, je suis en train de me demander s'il m'a pas l'expliqué aussi mal, moi aussi. Histoire que le monde, à un moment donné, réfléchisse un petit peu sur les significations de certaines choses. Le double éthérique, c'est qu'il y a eu un mélange, puis on a employé les termes. Ben, c'est un sujet qui est épineux. Parce que, présentement, on l'enseigne avec différents termes, puis ces termes-là, on enseigne la même chose, mais les termes se heurtent un contre l'autre, puis ça fait qu'il y a de l'incompréhension qui est suscitée par ça. Mais il y a pas de double éthérique. Il peut pas y avoir de double éthérique. Mais le terme double éthérique vient de l'époque où, dans l'ésotérisme, le corps vital était appelé corps éthérique. Il est de même nature, mais il est pas tout à fait la même chose. Comme le mental, la même nature que l'astral, mais c'est différent. Puis si on peut pas voir la différence, on mélange tout. Hein? Alors, le corps éthérique, la matière, l'énergie éthérique, c'est une vibration qui a comme reflet dans la troisième dimensionnalité le corps vital. Alors, on appelait le corps vital le corps éthérique. Mais le corps éthérique a la possibilité de pouvoir se dédoubler avec une enveloppe astrale, puis une corde d'argent, etc. C'est pas tout à fait un voyage astral, c'est un voyage éthérique, un dédoublement éthérique qui peut être très, très dangereux et mortel pour le corps physique qui vit cette expérience-là parce que c'est la vie qui quitte le corps. Alors, ce qui arrive, c'est que dans le domaine éthérique, le terme que maintenant on emploie pour le terme éthérique, c'est le terme qui aurait dû être employé à l'origine, mais qui l'a pas été, parce qu'il y avait un mélange de compréhension. On parle de l'éthérique. On parle encore du double éthérique pour donner une conception formelle, une conception avec des formes au public, mais le double éthérique n'existe pas. C'est comme si tu dirais que dans Dieu, j'ai mon double. Ben, c'est plaisant de dire ça, c'est bien, mais c'est pas tout à fait réel. Autant qu'il n'y a pas de corps mental, autant qu'il n'y a pas de corps supramental, autant qu'il n'y a pas de corps bouddhique, de corps divin, etc., il n'y a pas de corps éthérique. C'est l'énergie qui nous donne. C'est l'énergie, c'est ça. C'est une énergie qui est de différentes densités. C'est ça. Mais ça crée un corps qui devient, on pourrait dire, un double éthérique de l'agglomération de l'entité, donc de l'être humain, et non pas de sa psychologie. OK? Alors, ce qui arrive, c'est que par vibration, l'entité humaine finit par entrer en contact vibratoire avec mon père ultime. Vous direz votre père quand vous voudrez. Moi, je dis pas notre père parce que c'est trop con. Parce que c'est pas vrai. C'est vrai puis ça ne l'est pas. Rappelle-toi les termes que tu veux. C'est on va les accepter. Alors, ce qui arrive, c'est que quand tu finis par faire un canal avec l'entité ultime, avec mon père ultime, ce qui va arriver, c'est que ce canal-là va prendre lentement par vibration éthérique, parce que c'est avec l'entité éthérique que tu prends contact, il va reproduire lentement l'être au complet dans la matière éthérique, OK? Mais c'est pas... On peut appeler ça encore un double éthérique, mais il n'est pas un double dans le sens physique de l'éther ou de la matière. L'astral peut prendre approximativement la même forme que toi, vu que c'est mémoriel. Mais l'éthérique va prendre une forme, c'est un double éthérique, mais c'est pas tout à fait, c'est pas un double dans le sens qu'on l'emploie. C'est un double de l'être au complet qui est mental, qui est astral, qui est vital, qui est physique. Dans notre corps vital, on a 7 centres d'énergie. les chakras. On en a en réalité 63, 56 mineurs, puis on en a, bon, approximativement, on a 7 majeurs, et puis il y a d'autres corps que l'homme connaît pas tout à fait, là, mais il y en a 7 majeurs. Ces 7-là sont l'ombre de la, sur la représentation des autres plans. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que tu as ton double éthérique qui, lui, va être l'approximation, la représentation de l'être au complet. Pas de sa forme physique, pas de sa forme psychologique, pas de sa forme mentale, pas de sa forme vitale. Alors, de l'énergie de tout ça englobé ensemble. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand le double, disons double éthérique, mais là, tu fais pas un voyage avec ton corps éthérique. C'est un voyage avec ton corps astral. Tu peux pas te dédoubler éthériquement. Tu peux pas. Le double se crée, mais le double n'appartient pas à l'entité qui le représente, qui l'imite. Quand le double va pouvoir pénétrer dans l'entité qui l'imite, ça va être la fusion. Il y aura pas de dédoublement. Un dédoublement, c'est simplement une séparation. Plus qu'on sépare, moins qu'on fusionne. Hein, c'est l'inverse de la fusion. Alors, ça crée une forme qui représente l'être, et puis il vient un temps où toi, tu vas pouvoir vivre à l'intérieur de ce que tu appelles toi, de ton corps et tout ça, et tu vas être capable de pouvoir travailler aussi en même temps. Quand ton double va être assez similaire à ton double matériel, tu vas être capable d'avoir des contacts, non plus seulement avec le domaine matériel par notre corps physique, mais avec le domaine éthérique, donc avec ton père ultime. Quand tu vas en arriver là, tu vas pouvoir dire « mon père ultime ». Parce qu'effectivement, là, tu vas découvrir que tu en as un. On en a tous un, mais l'orphelin, il sait qu'il y a un père. Mais quand il va découvrir son père, il y en a toujours eu un. Mais s'il n'est pas orphelin et qu'il était juste séparé ou etc., ben quand il va le découvrir, il va l'appeler mon père. Parce qu'il va vivre le phénomène. Beaucoup plus que quand il ne voit pas, qu'il dit mon père pour concurrencer ses chums, tout ça, tu sais. Mais il vient un temps où c'est justement que quand ton double éthérique devient assez parfait pour être dans l'essence même identique à la forme matérielle, ben là, tu as ton père ultime. Puis là, tu es en contact avec Dieu. Dieu dans les cieux. Tu es en contact. Quand l'homme a développé sa forme astrale très, très profondément avec sa forme mentale, l'homme était en contact avec Dieu dans le ciel. C'était bon. Mais là, tu es en contact Dieu avec dans Dieu dans le ciel, c'est Dieu dans l'astral. C'est ça. Dieu... Dans les cieux, c'est le Dieu éthérique. C'est ça. Après ça, il y a d'autres. Mais... Ouais. Alors, ce qui arrive, c'est que... Quand on aura atteint ce point-là, tu donneras des conférences pour les autres. D'accord. Alors, ce qui arrive, c'est que ce double éthérique-là finit par ressembler, puis là, tu peux vivre un état de bilocation, c'est-à-dire que tu es bilocalisé. Tu es localisé, tu ne te perçois plus comme étant dans une entité physique, mais tu es aussi dans les cieux. Tu te vois là et là, et puis là, ton travail se fait là, ton travail d'apprentissage qui est bien différent. T'es tout proche de la fusion. Puis toute l'humanité va en arriver là. Ils n'ont pas le choix. Alors, ce qui fait que c'est ça qui est le double éthérique, là, dans le sens que on pourrait prendre ces mots-là. Quand tu dis on va tous en arriver là, est-ce que c'est à la fin de la 7e race, Daniel, ou à la fin de la 6e? Bon, à ta question, bien précisément, mais il ne faudrait pas qu'on l'interprète autrement, tous, on va en arriver là à la fin de la 5e et au début de la 6e race. Là, je ne parle pas de l'humanité, là! On va changer de conversation. Comment arriver à ne plus être polarisé, la démarche à suivre? Bon, il y en a là qui se reconnaissent, on les entend parler. Comment arriver à ne plus être polarisé? Bon, démarche à suivre. Alors, premièrement, le fait de vouloir ne plus être polarisé exprime par là qu'on est polarisé. Et exprimant le fait qu'on est polarisé, on exprime donc le fait qu'il y a possibilité de ne pas être polarisé. Ça, c'est la définition de la polarité. Alors, la démarche est complexe. Le mot même « démarche », comme j'expliquais tout à l'heure, fait... Là, c'est pour définir les termes. La question est bonne. C'est bien. Mais il faut, à un moment donné, qu'on arrive à exprimer clairement la question ou clairement notre pensée, parce qu'en exprimant clairement, mais clairement la pensée, on a clairement la réponse. Ça me facilite la tâche, hein? Quand on a une question qui est claire, j'ai la réponse dedans. Enfin, c'est facile. On prétend qu'une personne qui a la perfection dans la parole est dans Dieu. Oui, oui. On le prétend. Mais c'est aussi vrai pour ceux qui le vivent. Alors, comment ne plus être polarisé? Ben, premièrement, il n'y a pas de moyen pour arriver à ne pas être polarisé. Il y a des clés qui se donnent. Il y a des clés qui se donnent dans le temps. Il y a des clés qui se donnent parce que la population ou les personnes ou les auditeurs sont prêtes à recevoir la clé. Parce qu'une clé, quand elle est trop pesante, elle fait mal. L'imagination, c'est une clé, mais c'est un couteau à deux tranchants. Alors, la personne qui ne sait pas l'employer comme il faut peut se couper avec. Hein? L'astral aussi, c'est une clé, c'est l'imagination. Avec l'astral, on peut arriver à se dépolariser. Mais avec ces choses-là, la connaissance, c'est pas le fait de vivre dans un monde d'expérience puis d'acquérir. C'est pas ça la connaissance que je veux parler. La connaissance, c'est qu'il vient un temps où tu es capable de ne plus voir de séparation entre ta perception, donc de ne plus rien percevoir, mais d'être l'extérieur, et que tu réussis à connaître l'extérieur. Mais là, on pourrait dire à connaître avec l'extérieur. Tu as tout un phénomène astral et tu as des émotions qui surgissent en toi. Ces émotions-là surgissent parce qu'il y a une polarité en toi. Donc, elle n'était pas, elle est. Elle ne sera pas, elle sera, bon, il y a une polarité. Et quand tu réussis à connaître avec cette polarité-là, la polarité disparaît. Quand je parle de connaître, je parle de la connaissance. Et quand je parle de la connaissance, je veux dire par là naître avec. Naissance, co qui veut dire avec en français. Alors, si tu as la connaissance, c'est que tu es capable de connaître. Ce qui veut dire quoi? Connaître, ça veut dire que quand une chose naît, tu nais avec. Alors, si tu as une émotion et que tu viens, toi, tu nais en même temps que l'émotion, c'est quoi naître? C'est de prendre conscience de l'émotion en même temps qu'elle surgit. C'est ça, naître. Renaître continuellement. Alors, mon émotion vient au monde. J'ai peur. Moi, je prends conscience en même temps qu'elle, elle apparaît. Je connais. C'est-à-dire que nous connaissons. Nous naissons ensemble. Et connaissant, ben, je vois l'émotion. Mais si je ne connais pas avec l'émotion, je ne nais pas en même temps que l'émotion. L'émotion surgit, j'ai peur, je grimpe après les rideaux, je défonce les portes, je me sauve. Et après ça, je me rends compte que j'ai eu peur. Ben oui, mais là, en attendant, je suis tout égratigné puis j'ai eu peur. T'sais? Alors là, je ne peux pas réussir à éliminer la polarité qui est interne à ma psychologie parce que je ne connais pas avec. Quand je parle d'observation, si je réussis à m'observer, j'atteins la connaissance. Il arrive une émotion de colère, puis je la vois surgir. Donc, je prends conscience en même temps, donc il y a connaissance. Et cette connaissance-là t'amène au savoir. C'est pas expérientiel, c'est pas du domaine de la mémoire. Tu ne remarques pas que tu as eu peur. Ça, c'est mémoriel. Ça, c'est expérientiel. Mais l'émotion vient et en même temps, tu la vois et tu chemines avec. Pour comprendre quelque chose, on voit son cheminement. On ne doit pas arrêter le cheminement pour arriver à la connaissance. On doit se rapprocher du cheminement de la chose qui chemine et on doit cheminer avec. Puis cheminant avec, on connaît. Et puis cheminant avec et connaissant avec, elle disparaît. À ce moment-là, tu vis l'instant présent. Oui. Mais c'est plus facile si tu réussis à bien saisir. Être ici et maintenant, c'est une farce. C'est vrai, mais ça ne fout rien. Tu ne l'appliques pas. Ben, c'est ça, mais je veux dire, tu ne peux pas dire « Soyez ici et maintenant, vous allez être avoir en paix, fini. » Hein? Mais si on réussit à comprendre le principe de la connaissance, une chose vient en toi, elle rentre en toi, elle chemine en toi. Puis elle va passer en toi. T'as pas le choix, elle va passer. Si tu bloques son cheminement net, ben tu peux pas comprendre la chose. Tu viens pour être en colère, je suis pas en colère. Là, s'il y a une colère qui est en, il y a une lutte en dedans, une chose qui spirituellement astrale veut avoir la paix, l'autre qui veut être en colère, qui là qui est en train de s'exprimer, il y a une lutte. La colère se met en dedans, puis toi tu exprimes pas la colère, mais tu es en train de mourir d'un ulcère d'estomac. Alors ce qui fait que la colère elle est là. Mais pour comprendre la colère, ben faut pas que tu la bloques la colère. Pour comprendre la jalousie, faut pas que tu bloques la jalousie. Pour comprendre la souffrance, faut pas que tu bloques la souffrance. Parce qu'en bloquant la souffrance, tu désires le bonheur. Désirant le bonheur, tu vas avoir le bonheur. Puis après le bonheur, c'est temporisé, c'est temporel, c'est astral. Le bonheur disparaît, on le sait par l'expérience. Tu retombes dans la souffrance. Bref, t'as rien réglé. Tu as fui. C'est pas en fuyant que tu arrives à voir ce qui se passe en arrière. Faut que quelque chose, la vie, les événements vont t'amener des choses qui vont cheminer en toi. Tu dois les laisser cheminer. Tu dois les rejoindre. C'est important. Puis tu dois cheminer avec. Puis cheminer avec, elle va disparaître. Pourquoi? Parce que tu vas la comprendre. Moi, je te connaîtrais pas si je te vois à faire. Je dis que t'es laid, puis je te mets à porte. Si t'arrives, puis qu'on chemine ensemble un bout de temps, on va te connaître. Parce que, aussi, je chemine pas mémoriellement, mais les premiers temps, tu chemines jamais mémoriellement que quelqu'un se par après. quand tu le connais plus. Tu connais rien que ses mémoires, rien que ce qu'il était. Alors, ce qui arrive, c'est que tu as... Puis, on est polarisé. On n'a pas le choix. C'est pas en se connectant à du 110 des mains qu'on va se dépolariser. Hein? On est polarisé. Alors, ce qui arrive, c'est que tu laisses vivre tes émotions. La vie est là pour ça. Elle t'en donne l'occasion de souffrir. Fait que profite-en pour finir par passer par-dessus. Alors, tu laisses un événement. Puis quand je parle de souffrance, c'est des souffrances positives, qui sont le plaisir, qui sont le bonheur, mais qui vont t'amener à la souffrance négative. Mais au moment où tu connais, à cet instant-là, tu ne souffres plus. Tu peux pas souffrir, parce que tu chemines avec. Elle chemine pas en toi tout seul. Elle ne force pas tout ton être à cheminer avec elle d'une façon à l'envers. Si toi, t'embarques dans un char avec moi, on chemine ensemble. Mais si tu t'attaches après le pare-choc ou je t'attache avec, tu vas voir que le cheminement va être souffrant en tabarouette. Mais c'est la même affaire. Alors, ce qui fait que tu dois... La souffrance vient, la peur vient, mais le maudit problème, c'est que tout ça, on le voit. C'est quand tu vas souffrir, là, après une ou deux journées après la conférence, tu vas essayer de cheminer avec. Mais quand tu vas être heureux, tu n'essayeras pas de cheminer avec, hein? Mais là, tu te fais avoir par l'astral. Là, tu vas oublier qu'il faut cheminer, puis quand tu vas souffrir deux semaines après, tu vas encore te faire avoir. Parce que ce sont des souffrances positives. Le plaisir, c'est une souffrance positive. Si elle ne laisse pas de trace en toi, donne-lui la permission de pouvoir s'exprimer. Mais là, c'est toi qui la contrôle, elle est l'esclave. Fait que tu vas pouvoir rire, tu vas pouvoir avoir du plaisir. Mais si le plaisir est cassé net, tu vas avoir encore du plaisir. Parce que tu veux pas qu'il y ait une continuité temporelle, ça laisse pas de trace en toi. C'est pas elle qui te domine, t'es pas son esclave. Alors, ce qui arrive, c'est que la souffrance positive, qui est le plaisir, le bonheur, les joies et tout ça, c'est la même chose que la souffrance négative, mais il y en a une que toi, tu t'attaches plus qu'à l'autre, mais les deux sont co-engendrent continuellement. Alors, toi, tu dois la laisser venir. Tu dois remercier le ciel de t'envoyer des choses de même. Tu sais, c'est ce qu'on a dit, mais scrim, ça, à un moment donné, il faut que tu comprennes pourquoi. Perds pas de temps à remercier le ciel. Chemine avec à la place. Puis là, elle va disparaître. De cette manière-là, ça, c'est la démarche, on pourrait dire, pour être polarisé. Tu t'en vas pas vers la dépolarisation. Tu vas simplement connaître avec. Il y a une émotion qui vient, prends-en conscience en même temps, tu vas voir que l'émotion va disparaître, il va rester que toi, puis juste toi. Puis une autre émotion qui vient, tu la ramasses, tu montes avec, elle va disparaître, il va encore rester que toi. Puis à la longue, ce toi-là va bâtir justement ce qu'on peut appeler alors le double éthérique. C'est-à-dire que lentement, tu finis par découvrir que tu as un père. Un père, mais un père ultime. Alors, ce qui fait que tu rentres en contact avec, et puis lentement, tu vas faire la volonté de ce père-là. Pas parce que tu vas être manipulé, parce que toi-même, tu vas dire, ouais, mais c'était brillant, tabarnouche. Fait que lui, il te répond, ouais, ben, fais-le donc, que tu t'en vas le faire. Tu sais, t'as pas le choix de le faire ou non. C'est comme si t'es acculé sur le bord d'un mur, puis tu vois un enfant de, disons, 3 ans se noyer dans 4 pieds d'eau. Toi, tu mesures 5 et 6. Fait qu'il n'y a aucun danger que tu ailles le sortir de l'eau, hein? T'es, à moins que tu sois, bon, tu marches à la tête. Il n'y a aucun danger. Il y a 4 pieds d'eau, tu mesures 5 pieds. L'enfant, il mesure 3 pieds, t'es en train de se noyer là-dedans. Fait que disons que ton père ultime va dire, vas-y, sauve-le. C'est intelligent. Mais il te manipule pas, il te force pas à y aller. Toi, tu vas dire, moi, je ne vais pas manipuler. Tu restes sur le bord du mur, tu la regardes se noyer. Mais là, si tu regardes ça intelligemment, tu vas dire, ouais, mais gars, je risque rien. Il n'y a aucun danger. Je pourrais aller le sauver, je le sortirais, ce serait correct. Ben, c'est ça. Dieu, il dit, ben oui, c'est ça, fais-le. Mais c'est ça le plan de Dieu. T'es pas forcé à le faire. Tu peux retourner dans le mur, taper la tête dedans. Là, tu retournes dans la souffrance. Puis, il se noie pendant ce temps-là. Mais si tu décides, ben, OK, moi, y aller. Ben, tu fais le plan de Dieu. Mais t'es pas manipulé, pas comme on l'est dans la forme astrale. Puis, t'es bien. Il n'y a aucun danger, tu le sors. Puis, tout est parfait. C'est toujours parfait dans le plan de Dieu. Oui, parce que tu deviens un avec lui. Ben, automatiquement. Mais tant que tu es au niveau de ton double éthérique, ben, tu n'es pas tout à fait un, mais tu es en train. Tu es en contact avec mon père ultime, puis lui peut te parler. Lui va te dire quoi faire. Puis toi, si tu acceptes le chemin, mais le chemin est intelligent. Tu sais, tu vas pouvoir le faire, ça va bien aller. Mais tu peux pas arriver à être en contact avec ton père ultime directement. Tu sais, quand on dit, ouais, Dieu existe-t-il, je peux-tu le voir? Mais tu n'arriveras pas à le voir tant que tu seras pas en contact avec. C'est-à-dire que lui, il est là, tu le vois pas. Demande pas de le voir. Il peut pas apparaître plus qu'il apparaît. Il est là dans toute son essence. Alors, ce qui fait que toi, ce que tu dois faire premièrement, c'est être dépolarisé. C'est pour ça que la question est intelligente. Mais pour être dépolarisé, il faut que tu chemines avec ce qui est polarisé, avec ce qui est polaire. Puis cheminer avec, puis je le répète, c'est ça qu'il faut faire. Il faut simplement le laisser venir, je le dis souvent. Tu le laisses venir, tu prends conscience en même temps qu'il apparaît, même si tu es un petit peu en retard. Là, prends conscience avec, pareil, là, lâche pas. Là. Puis là, tu connais, tu nais avec. Puis naissant avec, là, tu vas cheminer avec. Puis chemine avec, tu vas voir, c'est simple. Il est beau le diable, chemine avec. Si c'est colérique, si c'est n'importe quoi, chemine avec. Puis qui c'est qui chemine avec? C'est une partie de Dieu. Fait que l'autre à côté, là, il va prendre ses vibrations. Il sera pas détruit, pas comme on l'a... Il y a pas de destruction dans l'affaire. Mais à un moment donné, la colère se transmute en ce qui chemine. Mais la colère passe pas en zigouillant tout le corps, puis en zigouillant toute l'astral, puis en laissant des traces, des incrustations du tonnerre dedans à la mémoire astrale. Pas ça qu'a fait la mémoire, parce que toi, tu chemines avec. Tu vas, veux pas, t'as pas à vouloir. Ah, je te vois, va te transformer. C'est pas le même, ça marche. Tu la vois faire, puis regarde-la surgir. Lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, puis là, je me sens en colère. Puis là, arrête de voir à l'extérieur. Regarde ça, regarde ce que tu sens. Rien que la regarder. Ça, l'observation. Là, tu chemines avec. Puis veut pas va disparaître tant que tu vas cheminer. Là, elle disparaît. Ah, j'ai gagné. Mais le tabarnak, il commence à faire. Tu recommences à cheminer, tu sais. Bon, c'est ça, faut que tu te checkes en maudit. Faut que tu te checkes. La tension, c'est ça, parce que c'est pas mémoriel. C'est pas parce que tu as réussi à régler un problème que le problème est réglé tout le temps. C'est dans le domaine de l'astral. La journée que tu ris quand tu vois ton char avoir un flat, fais pas que tu vas rire tous les fois que tu vas avoir un flat avec ton char. C'est toujours à reprendre. Au début, ça a l'air un peu ardu de toujours faire, tu sais, mais c'est comme quand tu apprends à chauffer un manuel. Au début, c'est ardu. Après ça, tout se fait tout seul. À un moment donné, tu chemines avec tout ce qui rentre en toi, tu ne souffres plus. Il n'y a plus aucun problème parce que c'est la paix, parce que tu as pris l'habitude. Puis là, lentement, tu te déconnectes avec tes mémoires astrales. Tu réussis à entrer en contact avec l'intelligence active, avec l'énergie éthérique. Daniel, voici une question semblable à quelques-unes de tes réponses que tu as données tantôt. Comment être pour devenir être? Expliquer. Ouais, faut que j'explique la question. Comment être pour devenir être? Ah, c'est bon. Hey, on dit bon monde. Ouais. Ben, c'est la réponse, moi, l'expliquer simplement en cas qu'il serait prêt à comprendre, parce que c'est une bonne question. Il faut être. C'est simple. Ça, c'est le chemin le plus direct. Ouais, mais c'est le seul chemin pour être. Il faut être. Bon, maintenant, on n'est pas capable de se prendre ce chemin-là présentement parce que il y a un paquet de choses en nous autres qui fait qu'on peut pas être. Alors, on peut pas arriver à être, c'est-à-dire qu'on pourrait le faire, mais c'est complexe. Alors, on peut pas arriver à être en voulant être. Le désir, c'est ce qui a mené l'homme là où il est. Le désir, c'est bon. C'est bon tant que le désir est manipulé par une forme intelligente, pas une forme aberrante, comme l'astral, comme la psychologie. Moi, si je désire être en paix puis être sécuritaire, ben je bâtis des armes comme ça. Ben là, ça me donne le feeling que je suis en sécurité puis ça me donne l'impression. Mais une impression, elle doit être une réalité. Alors, ce qui fait que pour être, comment être pour devenir être, donc pour arriver à être, c'est-à-dire comment être pour être, ben faut être, c'est évident. Alors, ce qui arrive, c'est que dans le cheminement de l'homme, c'est comme demande à... Je reviens toujours avec les enfants, parce que par rapport à ce qu'on va être, on a des enfants. Puis, il faut prendre conscience qu'on est des enfants par rapport à ce qu'on va être, parce qu'on n'arrivera pas à Dieu ou on n'arrivera pas à être, justement, si on se prend pour un autre. Il faut que réellement, je donne toujours l'exemple avec les enfants, parce que réellement, on est des enfants. Puis, tant qu'on ne sera pas conscient qu'on est des enfants, c'est-à-dire que tant qu'on ne deviendra pas un enfant par rapport au Père ultime, ben veut pas, on n'arrivera pas à ça. Il faut qu'on se voit par rapport à des enfants, il faut qu'on soit des enfants, puis là, on regarde ce que ça donne par rapport au Père ultime, puis là, on peut faire le rapprochement. Lui, il comprend pas parce qu'il n'a pas l'âge. Lui aussi, j'étais un enfant, moi, avec. Puis si j'étais un enfant, moi, comprendre pourquoi je comprends pas. C'est le début Jésus, de la compréhension. C'est ce que Jésus appelait les simples d'esprit. Oui, parce que le mot « simple », il est traduit. C'est pas l'idiot. Parce c'est que, tu sais, eux, les mécaniciens, parce que le royaume des cieux, t'as eux, c'est aussi vrai. Royaume des cieux, hein, les cieux. Les cieux, quoi, c'est... Pour ceux qui trippent sur différentiel. Mais bon. Oublions ça, revenons. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que le royaume, il faut avoir la conscience que par rapport à ce qu'on va être, on est des enfants. Donc, il faut s'éduquer, donc il faut prendre le cheminement qui est normal. Alors, ce qui arrive pour être, mon enfant, ben moi, j'aimerais, ou lui veut être quelque chose. Vous savez, il m'explique qu'un jour, il va être policier. Là. On veut toujours être policier, pompier, infirmière ou professeur. Hein? Le parent veut que tu sois médecin, avocat, notaire ou prêtre. Bon, en tout cas. Alors, lui, il veut être quelque chose, mais il ne peut pas l'être. Même s'il te dirait comment il faut le choix pour être policier, ben même s'il mettrait un gros revolver avec une grosse ceinture, là, tu l'empêcherais de marcher, puis c'est tout. Alors, ce qui fait que tu peux pas lui donner une casquette, puis tout ça, puis il va là, t'es policier, ça marche pas, tu sais. Alors, s'il est pas prêt à être ce qu'il veut être dans le domaine, ben il est pas prêt. Puis comment être quand on est pas prêt? Ben, on peut pas. On peut pas être prêt quand on n'est pas prêt. Alors, ce qui fait qu'il y a donc un cheminement intelligent que tu vas donner à ton enfant, comme il y a un cheminement intelligent qui t'est donné. Mais si lui veut rien savoir du cheminement, ben merde, il arrivera pas à être. Puis si toi, tu veux rien savoir du cheminement parce que tu te prends pour un adulte, tu devrais comprendre. Pourquoi tu devrais comprendre? Lui, il devrait pas comprendre. Un enfant qui fait une gaffe, on l'excuse facilement. Si l'adulte fait la même chose, on l'excuse pas pantoute. Bon, alors pourquoi? Parce que lui, c'est normal qu'il comprenne pas tout. Laisse-y le temps. T'es un enfant, toi aussi. T'es un enfant qui sait qu'il est un enfant. Quand il sait qu'il est un enfant, il faut savoir. Laisse-toi le temps. Puis attends-toi pas de venir tout de suite quand t'es pas prête. Alors, ce qui fait qu'il y a un cheminement qui est là, qui est intelligent, qui est visible. Essaye-le. Tu as peut-être essayé plusieurs avant de trouver le bon. Ça fait partie de la démarche qui est incompréhensible, qui est incoercible de l'homme. Une démarche qui est bizarre quand on la voit de loin. Parce que l'homme, il va à une place, il souffre, puis là, il s'en retourne, il se sent bien. Fait pour se sentir bien, ben, il retourne là encore, il souffre encore, puis après ça, il est content, il se sent bien. De l'extérieur, c'est une démarche bizarre, ce que l'homme fait. Mais de l'intérieur, c'est une démarche soit qui est intelligente pour nous autres, soit c'est une démarche qu'on n'a pas le choix. T'sais, alors, on met ça sur des fautes ou sur des choses, mais il faut la comprendre. Alors, il faut donc connaître la démarche. Alors, ce qui arrive, c'est que pour être, présentement, ben, l'homme doit se connaître avec lui, pas dans le passé, pas dans ses mémoires, pas dans une mémoire futuriste, un mélange de mémoire du passé qu'on pense que c'est ce qui va arriver. C'est pas ça. Là, tu connais rien. C'est tout de suite que tu peux connaître. C'est immédiatement que tu vis une émotion. Alors, c'est pas de la connaître en te rappelant de l'avoir vécu. C'est plus une connaissance. C'est une expérience, pas pareil. Alors, ce qui fait que pour arriver à être dans le moment présent tout de suite, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui ont la possibilité de pouvoir le faire de temps en temps, mais quand tu es, tu le mémorises pas. Le mémorisant pas, tu le sais pas que tu as été. Puis le sachant pas que tu as été, tu crois pas que tu veux être. L'astral est comme ce complexe, pas pour rien, que ça fait des milliers d'années qu'on enseigne des choses, puis qu'on a l'impression de revirer sur la main. On revire pas en réalité, mais c'est complexe. Alors, ce qui fait qu'il y a un cheminement qui est intelligent, qui est adéquat pour les enfants que nous sommes, pour arriver à devenir l'adulte. Je parle de la crise de l'adulte. On parle de la crise d'adolescence, c'est la crise de l'enfant. La crise d'adulte, elle existe. C'est quand il y a une lutte entre le mental inférieur et le mental supérieur. Puis il y a certains individus qui se conscientisent, qui le vivent. Bon, mais il y a des moyens de le vivre, qu'il n'y a pas de crise, là. Alors, ce qui fait qu'il y a une démarche, j'en ai expliqué, on va l'expliquer de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer au niveau des conférences. Ça va se faire à l'échelle du Québec, à l'échelle de l'Amérique, puis lentement à l'échelle de la planète aussi, parce qu'il y a d'autres individus qui font cette démarche-là. Alors, ce qui fait présentement, ben tout ce qu'il y a, c'est pour arriver à comment être pour devenir être, ben soyez donc un enfant. Voyez-vous comme ça. Achetez-vous pas des suces, là, mais comprenez bien, tu sais. Ainsi que si on n'est pas pressé, on court des chances que ça y aille plus vite. Ben oui, parce que l'enfant, si tu veux le bousculer, non. T'es un enfant, je suis pas prête. Je pose telle question, c'est normal, j'ai pas toutes les réponses. C'est normal que tu comprennes pas tout. Je suis pas à me culpabiliser, j'ai pas à me révolter, j'ai pas à me rebeller, non, c'est normal. Puis, ben, à un moment donné, la compréhension vient. Puis quand la compréhension vient, pendant que toi, t'es en train de faire quelque chose de bien normal, c'est important. C'est pas parce que t'es en grosse méditation ou t'étais vaché sur une clôture que tu réussis à avoir là. Quand tu fais des choses normales, ben, à un moment donné, la compréhension vient, puis là, c'est ça. Comme l'enfant en jouant, il apprend, ben l'homme en jouant, ben l'homme, il joue des jeux bizarres, là. Mais c'est ça. C'est un enfant. Puis quand on devient un enfant, qu'on est conscient qu'on en est un, je suis un enfant. J'ai donc un père, mon père ultime. Mais par rapport à mon fils, je suis un père. Il faut que j'en sois conscient aussi. Avoir une idée, avoir le désir de la réaliser, où peut-on mettre l'espoir pour voir son accomplissement et quel doit être mon comportement physique? Avoir une idée. Bon, d'accord. Alors, avoir une idée, puis après ça, ben vouloir que l'idée soit réalisée. Et puis, si je veux que mon idée soit réalisée, où dois-je mettre mon espoir pour voir son accomplissement? Bon, puis quel doit être mon comportement physique? Donc, j'imagine mon comportement dans la matière, là, qui comprend tous les différents corps. Alors, ce qui arrive, c'est ça, je disais, c'est qu'on a un désir, on a ce qu'il faut pour la réaliser, tout le temps. Ça, c'est une loi qui est astrale, et puis l'astral va sous-tendre les lois vitales et matérielles. Alors, si j'ai un désir, le désir naît de l'astral, puis si j'ai un désir, l'astral me donne ce désir-là parce que j'ai ce qu'il faut pour le réaliser. Mais le réaliser, est-ce que c'est faire le plan de l'astral ou si c'est faire le plan de mon père ultime? Et là, le problème. Alors, ce qui fait que moi, ce que je te dis, c'est que ton espoir, mets-le où? Pas où tu peux penser, là. Ton espoir, tu le mets en Dieu. Différent, hein? Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que moi, j'ai une idée. Que l'idée soit bonne, puis que l'idée soit bonne pour l'humanité, puis que l'idée soit bonne rien que pour moi. Que l'idée soit n'importe quoi. Il y a des choses qui sont pas une idée, il y a des besoins. Il faut faire la différenciation entre un besoin. Moi, j'ai un besoin physique, je dois manger. Alors, je peux pas dire, ouais, j'ai l'idée de manger. Tu sais, attends pas que la nourriture te rentre dans la bouche, tu sais. Il y a des besoins que j'ai. Je suis dans la matière, il y a des besoins qui sont matériels. Je suis dans une société, il y a des besoins qui sont sociétaires. Et je suis donc régi par les lois qui sous-tendent le plan dans lequel je vis. Si je vais à Rome, je vis à la romaine. Si je suis ici, je vis comme je vis ici. Alors, ce qui fait que je dois travailler. J'ai l'idée de ne plus jamais travailler, c'est correct. Mais en attendant, travaille. Tu dois ramasser de l'argent, tu dois te nourrir, tu dois t'habiller, tu dois nourrir tes enfants, ta femme ou ton mari, ou etc. Il faut que tu te libères des contraintes matérielles au maximum pour pouvoir arriver à comprendre l'astral. Tant que l'homme, il est pas nié, puis l'homme, il a faim, puis l'homme, il pleut dessus parce que le gars, il est en dessous du pont Champlain, ben, veut pas, il arrivera pas à subliminer tous ses corps. Parce qu'il y a des problèmes inhérents. Tant que t'es pris tous les jours à devoir aller à la chasse, ben, t'as un... La seule occupation que tu as, c'est la chasse. Il faut que de temps en temps, tu changes tes choses. Mais tu ne les changes pas. Il y a un travail à faire dans la matière qui est immédiat parce que c'est le temps qui soit fait. Mais ce n'est pas le temps de tout faire. Tu as l'énergie créatrice en toi, mais tu n'as pas encore l'énergie de la matérialisation de cette énergie-là. Il faut que tu prennes le temps d'attendre que ça vienne. Alors, si tu as une idée, quelle que soit l'idée, la seule chose que tu devrais faire, c'est d'avoir, de mettre justement ton espoir dans le fait qu'un jour, tu vas comprendre. Donc, comprenant, tu vas être capable de réaliser l'idée qui doit être réalisée. Toi, tu veux grimper après un mur. Tu te promènes dans un champ, là. Là, ça tente de faire de l'exercice. Je te donne un exemple qui est terre à terre, là, mais voyez-le au niveau des autres plans. Et puis là, tu veux grimper après un mur. Fait que tu sautes, il n'y a pas de mur. Bang, tombe en pleine face. Tu sais, c'était pas le temps de sauter, il n'y a pas de mur. Il aurait fallu que tu marches encore jusqu'à temps qu'il y ait un mur là-bas. Mais il aurait fallu que tu marches encore jusqu'à temps que tu arrives au mur. Là, tu sautes, puis il y en a un mur. Tu décides de courir, tu peux en courir, bang, des murs. Mais c'était pas le temps de courir, là, encore. Tu sais, faut que tu regardes les choses qu'il y a. Mais l'homme, ce qu'il y a, c'est que lui, il saute, blague, en pleine face, qu'il n'y a pas de mur. Fait que le gars, il en veut un mur, il en veut un mur. Mais quand il est rendu près du mur, il en veut plus le mur. Là, il veut courir. Puis là, il part en courant, puis il rentre dans son mur qu'il cherchait, là, puis... Ce qui est le pire, c'est qu'après qu'il réalise tout ça, il est à terre, puis il s'obstine à persister qu'il y avait un mur. Mais oui! C'est ça le crime de problème, c'est que, regarde bien ça, c'est pour ça que quand on, c'est vrai que tu peux faire des projections, je désire avoir telle chose, puis tu le désires, puis tu le désires, tu crées une forme pensée, un égrégore astral, puis tu finis par l'avoir. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça prend du temps, parce que tout est géré par le temps, puis l'homme il est pressé. Dieu a créé le temps, disons, l'homme a créé la hâte. Alors ce qui arrive, hein, c'est que toi, tu veux avoir ton char, tu vas avoir un char rouge, tu vas avoir, oh, je sais pas quoi. Puis là, tu l'as pas dû m'attendre, ça va venir. Tous les soirs, tu sais, tu crées ta forme pensée, tu cristallises cet égrégore-là, tu descends sa vibration, puis un jour, l'événement de la vie fait que tu as le char rouge quand t'en veux un bleu. Parce que t'as changé, toi aussi, en même temps que l'idée se préparait. Fait que t'as jamais ce que tu veux, selon toi, mais t'as tout le temps toujours ce que t'as voulu bien avant. Faut être prêt à payer le prix quand on fait ça. Ben, c'est ça, c'est parce que là, le désir, tu l'as, c'est permis. Mais t'arriveras pas à t'en sortir pareil. Tu veux un cheval, mais quand tu l'as, le cheval, c'est l'automne, puis se manéger, là, tu veux un skidou. Fait que tu vends ton cheval, t'achètes un skidou, mais avant que tu trouves le bon skidou, t'arrives au printemps. Là, t'as ton skidou, mais t'as plus ton cheval. Puis t'en veux plus de skidou. Puis le gars, il s'achète un cheval pis un skidou, mais tu sais, il veut dire, ça, c'est dans la matière, mais à un moment donné, il est dans la cofourée. Alors, ce qui arrive, que tu cristallises quelque chose, t'es jeune, tu vas avoir un bicycle, puis quand tu l'as, ben, c'est pas ben long, tu vas avoir d'autres choses, sauf si les parents te le donnent tout de suite. Là, t'as pas rien à cristalliser. Mais quand t'es en amour, t'en veux-tu la fille ou l'homme? Mais quand tu l'as, tu te maries jeune, mais toi, tu changes. T'es un pissenlit, toi. Tu changes. Un pissenlit, c'est quoi? Tu regardes la terre, puis tu regardes ça, là, c'est un petit bourgeon bien bizarre, vert, avec une tige. C'est un pissenlit, ça. Puis ça, à côté, là, qui est tout jaune, avec une petite fleur, c'est quoi? Ah, ben, c'est un pissenlit. Puis c'est quoi, là, qui est tout blanc, avec des petits bouts de poils qui partent au vent? Ah, ben, c'est un pissenlit. Ben, c'est quoi, un pissenlit? Ben, c'est tout ça, un pissenlit, mais ben, t'es un pissenlit. Tu vois, t'es pas rien de ça. T'es pas ce que t'es là, parce que quand on va te connaître dans deux jours, tu vas être d'autre chose. Mais c'est ça, l'homme. C'est un pissenlit. Pour ça, faut pas juger. Mais l'homme est un pissenlit. C'est pour ça aussi qu'il faut vivre au moment présent le plus possible. Ben oui! Alors, ce qui fait que toi, tu peux pas arriver à désirer quelque chose. Le pissenlit qui est vert, qui désire avoir plein de pissenlits verts à côté de lui. Ben, quand ceux-là poussent, ça prend du temps. Quand ceux-là arrivent, tout vert, lui, il est jaune. Puis là, il s'ennuie. Puis là, il dit, je suis jamais heureux. Mais c'est ça, c'est de même ça se passe. Puis là, il va avoir des pissenlits jaunes. Mais quand ils sont tous jaunes, lui, il est blanc. Tu sais, puis là, quand ils sont tous blancs, lui, il est parti. Il reste avec un petit coton. C'est de même ça fonctionne. Alors, ce qui fait que le désir donné par la matière, c'est comique. Mais moi, on dit que c'est vrai. Puis lui, c'est comique quand on se conscientise, tu vois. Parce que tu vois des choses comme qui sont, puis tu vois tout, puis moi, on dit que sourire, c'est plaisant. Mais faut que tu souffres, c'est ça. Faut que tu prennes le temps de comprendre, faut que tu relaxes, tu vois des films de temps en temps, t'es, puis tu t'amuses. Bon. Alors, ce qui arrive, faut que tu vives comme tout le monde, mais tu es différent des autres. Mais faut pas que tu prennes au sérieux. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que toi, tu as un désir, tu veux le réaliser, tu es conscient que si tu forces pas, tu vas moins souffrir pour l'avoir. Mais ce désir-là, c'est tout ça que tu dois avoir pour réellement arriver à ce que fondamentalement, ce que tu veux avoir, puis que tu oublies tous les jours parce que tu as d'autres schémas de désir, d'autres contraintes qui viennent te cacher ça. À ce moment-là, tu remets ça dans les mains de ton père. Bien, voilà, c'est une solution. Mais il faut pas tout remettre des mains de notre père. T'sais? Comme par exemple, tu as une épidémie, tous tes médecins disent, bon, ben Dieu va t'aider. Non, c'est ça. Alors, tu sais, tu as besoin si d'argent... Si tu mets ça dans les mains de ton père, Daniel... D'une façon conscientisée. Oui, justement. Tu vas te faire dire, hey, le cave. C'est ça. Va donc les aider. Je t'ai pas fait suivre des cours de médecine pour rien. Exactement. C'est ça, te faire dire. Mais là, c'est pas dans Dieu dans le ciel. C'est pas dans l'émotivité. C'est pas dans une croyance aveugle à une incompréhension totale que tu vas arriver à faire de quoi. Mais c'est pas ça à quoi je faisais référence c'est dans la question, non plus. Non, mais je préfère qu'on le dise. Il y a bien des dieux. Il y a pas bien qui sont vrais. Le monothéisme existe encore aujourd'hui. Il y en a, c'est Boy George. L'autre, c'est... Alors, monothéiste, le polythéiste. Alors, ce qu'il fait, c'est ça. Il faut faire simplement attention, parce que c'est fini, attention à ce que le désir qu'on a, on n'y attache pas d'importance. Puis si ce désir-là est dans le plan que fondamentalement on veut aller chercher, bien automatiquement, on va l'avoir. Puis on va l'avoir, puis on souffrira pas de l'avoir, parce qu'on va l'avoir quand on va être prêt de l'avoir. Tu viens toute jaune comme pissenlit, puis tout le monde est jaune autour de toi. Parce que tu as su attendre, tu n'as pas voulu te précipiter vers cette action-là. Puis si c'est pas ça, tu ne l'auras pas, mais c'est pas grave. Tu vas toujours avoir ce qu'il faut, tant que tu ne fais pas trop de choix. N'ayant pas de désir à ce moment-là, bien, tu te laisses aller, puis tu vas avoir des désirs intelligents, c'est ça. Dieu va commencer à commander en toi. Alors, merci beaucoup. Un autre ici, là. Un autre là. Un autre là.